Samuel par Jack London. Marguerite Hennon ne me produisit jamais une telle impression que le jour où je l'aperçus, par hasard, portant un sac de grains de 50 kilos sur l'épaule. Elle avançait à pas menus mais sûrs, de la charrette à l'écurie, et fit une pause pour reprendre haleine au pied de l'escalier menant au coffre à grains. Elle franchit les 4 marches raides l'une après l'autre, sans se presser, sans hésiter, avec une assurance qui m'enleva toute crainte de voir le sac échapper sous le double fait du grain et des années. Sa vieillesse manifeste m'avait poussé à m'arrêter près de la voiture pour la regarder faire. 6 fois, elle accomplit le trajet de la charrette à l'écurie avec un plein sac sur le dos, sans paraître remarquer ma présence. La voiture vide, elle chercha des allumettes dans sa poche et se mit à tirer sur une courte pipe en terre, refoulant le tabac brûlant d'un pouce calleux et apparemment insensible. « Vous faites un rude travail pour une femme de votre âge, risquai-je. » Elle posa sur moi son regard étrangement fixe. Sa pensée, sa parole trahissaient une lenteur voulue et une parfaite conviction que l'éternité lui appartenant, elle n'avait nullement besoin de se presser. Je me sentis de nouveau troublé par cette assurance prodigieuse. Dans cette éternité bien à elle, le temps ne lui manquait pas pour poser les pieds bien à plat et se maintenir en parfait équilibre. Il y avait place, en un mot, pour la certitude, il n'y en avait aucune pour un faux pas, ni dans sa vie spirituelle, ni dans ce débardage de sacs de 50 kilos. L'impression produite était fantastique. Un hasard des plus précaires venait de me mettre en présence d'un être dépassant mes propres conceptions de l'âme humaine. Et plus je me renseignerais au cours des semaines suivantes sur le compte de Marguerite Hennon, plus elle me paraîtrait mystérieuse et lointaine, telle une inconnue tombée de quelque autre planète. Nulle remarque venant d'elle ou d'aucun des habitants de l'île ne m'indiquerait quelle façon de vivre, quelles ardeurs sentimentales ou quelles contemplations philosophiques avait ou modelait son être intérieur ou actuel. « J'aurai 72 ans le vendredi saint, d'aujourd'hui en 15, » dit-elle en réponse à ma question. « Mais vous êtes un peu âgé pour accomplir ce travail d'homme, et même d'homme solide, » insistai-je. Elle parut se replonger dans son atmosphère d'éternité contemplative, et j'en fus affecté à tel point que je n'aurais pas été surpris de me réveiller 1 siècle ou 2 plus tard pour entendre le commencement de sa réponse. « Il faut que le travail se fasse, et je ne veux rien devoir à personne. » « Mais n'avez-vous pas d'enfants ni de famille ?»« Aussi, des quantités. Mais il ne juge pas à propos de m'aider. » Elle tira quelques instants sur sa pipe, puis ajouta, en indiquant la maison d'un signe de tête, « Je vis seul. » Je jetai un coup d'œil vers l'habitation spacieuse et couverte de chaumes, la grande écurie et la vaste perspective de champs qui en dépendait évidemment. « C'est un beau morceau de terrain à cultiver vous-même. »« Oui, c'est un grand, 70 acres. » Cela suffisait à occuper mon vieux mari ainsi qu'un fils et un domestique, sans parler des aides engagées pour la moisson et d'une servante pour l'intérieur. Elle grimpa dans la charrette, rassembla les rênes et me fouilla de son regard perçant. « Vous venez sans doute de l'autre côté de la mer, d'Amérique, n'est-ce pas ? Oui, je suis Yankee. On ne doit pas rencontrer dans votre pays beaucoup d'indigènes de l'île McGill. Je ne me souviens pas de n'avoir vu un seul des États-Unis. » Elle hocha la tête. Les gens d'ici sont attachés à leur pays, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne voyagent guère. Mais ils finissent par revenir à la maison, du moins ceux qui ne périssent pas en mer ou par les fièvres et autres maladies des contrées étrangères. Alors vos fils ont dû naviguer et revenir au pays? Oh oui, tous, excepté Samuel, qui s'est noyé. Quand elle prononça le nom de Samuel, je crus surprendre dans ses yeux une bizarre lueur, et par une sorte de choc télépathique, devinant en elle une terrible tristesse, un immense regret. Il me sembla que tel était le secret de cette nature impénétrable, le contact instantané qui me laissait entrevoir ses profondeurs, le fil conducteur qui, si je le suivais jusqu'au bout, me permettrait de déchiffrer cette âme étrange. Je criai d'envie de lui poser une question, mais elle la devança. Elle fit claquer sa langue pour exciter le cheval, me lança un « Bonjour, monsieur », et la voiture s'éloigna. Les habitants de l'île McGill sont des gens simples, rustiques, et je doute qu'il existe au monde une population plus sobre, plus économe et plus laborieuse. Un bras de mer large, au plus d'un demi-mille, sépare l'île McGill de la terre irlandaise. Une fois ce détroit franchi, on se trouve dans un pays tout différent, où prédomine l'influence écossaise. D'abord, les insulaires sont presbytériens. En constatant qu'il n'existe pas un seul cabaret dans cette île peuplée de 7000 âmes, on se fait une idée de la tempérance de sa population. Conformément aux vieilles coutumes, l'opinion publique et les ministres du culte y exercent une puissante autorité, tandis que les pères et mères y sont respectés et obéis comme en bien peu de coins du monde moderne. On n'y fait la cour que jusqu'à 10 heures du soir, et jamais une jeune fille ne s'y promène avec un jeune homme à l'insu et sans le consentement de ses parents. Ce fut par le patron d'un vapeur de fortune, et en qualité de passager de Colombo à Rangoon, que j'entendis parler pour la première fois de l'île McGill. Grâce à sa lettre de recommandation, je pus me présenter dans la maison de Madame Ross, veuve d'un maître d'équipage. Elle vivait dans l'île avec sa fille et pour le moment ses deux fils naviguaient en mer. Madame Ross ne prenait pas de pensionnaire, mais au vu de la lettre du capitaine Ross, elle consentit à me recevoir. Le soir de ma rencontre avec Marguerite Hénan, j'interrogeai Madame Ross à son sujet et compris tout de suite que j'étais tombé sur un véritable mystère. Comme tous les habitants de l'île, je ne devais pas tarder à m'en apercevoir, Madame Ross manifesta une sincère répugnance à discuter le cas de Marguerite Hénan. Cependant, ce soir-là même, j'appris que Marguerite Hénan passait jadis pour la plus belle femme de l'île. Fille d'un fermier à l'aise, elle avait épousé Thomas Hénan, un fermier également riche. À part les occupations ordinaires du ménage, elle n'était pas habituée à travailler, ni même, à la différence des autres femmes de l'île, à donner un coup de main au travail des champs. « Mais où sont ses enfants ? » demandai-je. « Deux de ses fils, Jacques et Timothée, sont mariés et naviguent. La grande maison près du bureau de poste appartient à Jacques. Ses filles non mariées vivent avec celles qui le sont, et les autres sont morts. Les Samuel, » interrompit Clara avec une nuance de malice. Clara était la fille de Madame Ross, une jeune et forte personne, très agréable, avec des yeux noirs d'une remarquable beauté. « Il n'y a pas de quoi plaisanter, » remontra sa mère. « Les Samuel, » demandai-je, « je ne comprends pas. Ces quatre fils qui sont morts. Et tous les quatre s'appelaient Samuel, oui. » « C'est étrange, » remarquai-je dans le silence qui se prolongeait. « Très étrange, » confirma Madame Ross en s'activant au tricot posé sur ses genoux. Un des innombrables vêtements de dessous qu'elle tricotait sans relâche pour les quartiers maîtres, ses fils. « Et les Samuel sont les seuls qui soient morts ? » demandai-je dans un nouvel effort de curiosité. « Les autres vivent encore. Une belle famille. Il n'y en avait pas de plus belle dans toute l'île, et jamais plus beaux garçons n'en sont partis pour naviguer. Le ministre les citait comme modèles, et jamais le moindre scandale n'a éclaboussé les filles. « Mais comment se fait-il qu'elle se trouve seule dans sa vieillesse ? » insistai-je. « Pourquoi ses propres enfants ne s'occupent-ils pas d'elle ? Pourquoi cet isolement ? Ne vont-ils jamais la voir ni la soigner ? Jamais aucun d'eux n'y est allé depuis plus de 20 ans. C'est elle qui a tiré cette solitude sur sa tête. Elle les a chassés de la maison comme elle a chassé de la vie le vieux Tom Hénan, son défunt mari. La boisson ? Hasardai-je. Madame Ross secoua la tête avec dédain. Un long silence suivit, durant lequel Madame Ross tricota plus résolument que jamais. En regardant les curiosités exotiques rapportées par les fils de la maison, je réfléchissais au mystère de Marguerite Hénan, qui avait poussé son mari à la tombe et que ses enfants avaient abandonné. Sinon, à la boisson, à quoi attribuer cette décadence? À quelque monstrueuse cruauté? À quelque infidélité retentissante? Ou l'un de ces terribles crimes que commettent parfois ces paysans de l'ancien monde? Mais à mesure que je soumettais mes hypothèses à Madame Ross, elle hochait la tête. « Vous n'y êtes pas, » disait-elle. Marguerite fut bonne épouse et bonne mère, et je la crois incapable de faire du mal à une mouche. Elle a élevé sa famille dans la crainte du Seigneur et d'après les bons principes. L'ennui, c'est qu'elle devint lunatique, idiote. Et pour me faire mieux comprendre, elle se tapota le front. « Mais j'ai causé avec elle tantôt, » objectai-je, « et elle m'a produit l'effet d'une femme très sensée et d'une lucidité remarquable pour son âge. « Oui, tout ce que vous dites est vrai. » continua-t-elle tranquillement. « Mais ce n'est pas cela que je fais allusion. Je veux parler de sa mauvaise tête et de son obstination insensée. Il n'y a jamais eu au monde de femme plus entêtée, et tout cela à cause du nom de Samuel, qui était celui de son plus jeune frère, celui, paraît-il, qu'elle aimait le mieux, et qui se suicida par la faute du ministre presbytérien qui avait omis de déclarer et de faire bénir l'église neuve à Dublin. C'était signe que le nom portait malheur, mais elle ne voulut pas l'admettre, et les gens jasèrent quand elle donna le nom de Samuel à son premier-né, celui qui mourut du croup. Et ne s'avisa-t-elle pas de redonner le nom au prochain? Celui-ci périt à l'âge de 3 ans, en tombant dans un baquet d'eau bouillante. Tout cela, vous dis-je, provient de son absurde entêtement. Il lui fallait un Samuel, et cette obstination causa la mort de ses 4 fils. Après le décès du premier, la mère de Marguerite ne s'était-elle pas agenouillée dans la poussière, à ses pieds, la suppliant de ne pas donner ce nom de Samuel à son prochain enfant? Mais pas moyen de la détourner de sa résolution. Marguerite Hénan n'en a jamais fait qu'à sa façon et ne s'est jamais montrée aussi obstinée qu'à propos de ce nom de Samuel. Elle raffolait positivement de ce nom-là, le croiriez-vous? Tous ses voisins et même ses parents et alliés, sauf ceux qui habitaient avec elle, se levèrent et sortirent au moment du baptême du second, celui qui fut ébouillanté. À l'instant où le ministre, ayant demandé quel serait le nom de l'enfant, elle répondit « Samuel ». Ils se levèrent et quittèrent la maison. Et sur le seuil, Fanny, sa tante maternelle, se retourna et dit de façon à être entendue de tout le monde « Pourquoi donc veut-elle assassiner ce pauvre gosse ?» Le ministre n'en perdit pas une parole et cela ne lui fit pas plaisir. Mais, comme il le dit plus tard à mon Carrie, qu'y pouvait-il faire? Tel était le désir de cette femme, et il n'y a pas de loi pour empêcher une femme de donner à son enfant le nom qui lui plaît. Il y eut un troisième Samuel, et quand il eut péri en mer, au large du cap de Bonne-Espérance, ne viola-t-elle pas toutes les lois de la nature en mettant au monde un 4e fils? Elle avait 47 ans, je vous le déclare, et à cet âge-là, elle eut un enfant. Pensez donc, à 47 ans. Ce fut un scandale pur et simple. De la bouche de Clara, le lendemain matin, j'appris l'histoire du frère préféré de Marguerite Hénan, et de ci de là, au cours de la semaine suivante, je reconstituai la tragique histoire de cette femme. Samuel Dundee était le plus jeune de ses 4 frères, et au dire de Sarah, elle professait pour lui une véritable adoration. Il naviguait en ce temps-là comme patron d'un voilier de la ligne Banks, et il épousa Agnès Hewitt. On dépeignait celle-ci comme un feu follet, une mince créature aux traits délicats, douée d'une organisation nerveuse des plus sensitives. Leur mariage avait été le premier qui fut célébré dans l'église neuve, et après une lune de miel de 2 semaines, Samuel embrassa sa femme et alla prendre le commandement du Luftbank, un 4-mâts barque. Ce fut au sujet de cette église neuve que le ministre commit une bévue. Il n'en était pas seul responsable, comme me l'expliqua plus tard un des anciens. La responsabilité en fut répartie sur tout le presbytère de Cowlin, qui comprenait une 15aine d'églises dans l'île et sur la grande terre. La vieille église, ne pouvant plus être réparée, avait été démolie et la nouvelle fut construite sur les mêmes fondations. Le ministre, le chef du presbytère, assimilant ces fondations à une carène de navires, ne conçurent même pas l'idée que l'église neuve peut être considérée légalement comme différente de l'ancienne. 3 couples y furent mariés au cours de la première semaine, dit Clara. Samuel Dundee et Agnès Hewitt, les premiers. Puis le lendemain, Albert Mahan, Emily Duncan, et à la fin de la semaine, Eddie Troy et Flo McIntosh. Les 3 hommes étaient marins, et au bout de 6 semaines, ils avaient tous rejoint leur navire et étaient partis en mer, sans se douter le moins du monde de leur fausse position. Le démon de la perversité dut se pâmer de rire devant la situation. Tout concourait à la corser. Les mariages avaient été célébrés dans la première semaine de mai. Ce fut seulement au bout de 3 mois que le ministre, conformément à la loi, adressa son rapport trimestriel aux autorités civiles de Dublin. Il reçut une prompte réponse l'avertissant que son église ne possédait pas d'existence légale, dès lors qu'elle n'était pas déclarée selon la loi. Naturellement, le pasteur s'empressa de remplir cette formalité. Mais on ne pouvait raccommoder les mariages avec la même facilité. Les 3 marins voguaient en mer et, bref, leurs femmes n'étaient pas leurs épouses. Mais le ministre ne voulait pas alarmer les gens, dit Clara. Il resta quoi et attendit le retour des navigateurs. Il se trouvait par hasard à l'autre bout de l'île pour célébrer un baptême lorsque Albert Mahan rentra à l'improviste, son navire étant au bassin de Dublin. 9 heures du soir sonnait quand le ministre, en pantoufles et robe de chambre, apprit la nouvelle. Il se lève d'un bond, demande un cheval et une selle et court comme le vent à la recherche d'Albert Mahan. Celui-ci allait se mettre au lit et s'était déjà déchaussé d'un pied quand le pasteur arrive. « Venez avec moi tous les deux. crie le pasteur hors d'haleine. « Mais pourquoi faire, alors que je suis éreinté et en train de me coucher ?» demanda Albert. « Pour que je vous marie légalement ?» dit le ministre. Albert lui jette un regard sombre et s'écrie. « Voyons, mon révérend, vous plaisantez !» Mais en lui-même, comme il me le confia plus tard, il s'étonnait que le ministre s'adonnât au whisky si tard dans la vie. « Nous ne sommes pas mariés !» proteste Minnie. Le révérend fait un signe de dénégation. « Et je ne suis pas Madame Mahan ?»« Non, dit-il, vous n'êtes pas Madame Mahan. Vous êtes simplement Mademoiselle Duncan. »« Mais vous nous avez mariés vous-même, dit-elle. »« Je vous ai mariée sans vous marier, » répond-il, et là-dessus il raconte toute l'histoire. Albert remet son soulier. Tous deux s'en vont avec lui, et cette fois ils sont mariés selon les règles. Comme devait dire plus tard Albert Mahan, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui aient eu deux nuits de noces dans l'île McGill. Deux mois plus tard, Edith Roy vint en congé et fut promptement remariée. Mais Samuel Dundee était parti pour un voyage de 3 années et n'arriva point au terme fixé. Pour compliquer la situation, un petit garçon de plus de 2 ans l'attendait dans les bras de sa mère. Les mois se passaient et la jeune femme dépérissait d'inquiétude. « Ce n'est pas pour moi que je me tracasse, » disait-elle fréquemment. « C'est pour ce pauvre enfant sans père. Si un malheur arrive à Samuel, dans quelle situation se trouverait le petit ?» Le bureau Lloyds porta manquant le Low Bank et les propriétaires cessaient d'envoyer à la femme de Samuel sa demi-solde mensuelle. Mais ce fut surtout la question de légitimité de l'enfant qui dérangea l'esprit de la mère. Quand tout espoir du retour de Samuel fut abandonné, Agnès Sewitt alla se noyer avec son bébé dans le Détroit. Et c'est ici que se corse la tragédie. Le Low Bank n'était pas perdu. Par suite d'une série de désastres et de retards inénarrables, il avait fait, sans pouvoir donner de nouvelles, un de ces voyages prolongés qu'on enregistre une fois ou deux au cours d'un demi-siècle. Comme le démon devait se tenir les côtes. Samuel revint, et quand il apprit la nouvelle, quelque chose se brisa dans son cœur ou dans sa tête. Le lendemain matin, on le trouva étendu sur la tombe de sa femme et de son enfant, où il avait essayé de se tuer. Jamais, dans l'histoire de l'île McGill, on n'avait entendu parler d'un moribond aussi terrible. Il cracha la figure du ministre, le traita de tous les noms et mourut en proférant des blasphèmes effroyables, à tel point que ceux qui le soignaient accomplissaient leur besogne avec des mains tremblantes et en détournant la tête. Et malgré tout cela, Marguerite Yenan donna à son premier-né le prénom de Samuel. Comment expliquer l'obstination de cette femme ou peut-être l'obsession morbide qui l'a poussée à baptiser ainsi l'un de ses fils? Son troisième enfant fut une fille à laquelle elle octroya son propre prénom et le quatrième fut encore un garçon. En dépit des coups dont le destin l'avait déjà frappée et de ruptures imminentes avec parents et amis, elle s'entêta à vouloir donner à son enfant le prénom de son frère. Ses amis d'enfance lui tournèrent le dos à l'église. Sa propre mère, après une dernière supplication, quitta sa maison en l'avertissant qu'elle ne lui adresserait plus la parole de sa vie si elle faisait baptiser son enfant sous ce nom. Et la vieille dame tint parole pendant les 30 années qu'elle survécut. Le ministre consentit à baptiser l'enfant sous n'importe quel nom, excepté celui de Samuel, et tous les autres ministres de l'île McGill firent la même restriction. Marguerite Yenan songea un instant à recourir à la loi, mais en définitive, elle porta l'enfant à Belfast et le fit baptiser sous le nom de Samuel. Et alors, comme un démenti donné à l'île entière, il ne se passa rien d'anormal. Le garçon grandit et prospéra. Le maître d'école ne cessait de le vanter comme le plus intelligent de tous ses élèves passés et actuels. Doué d'une splendide constitution, Samuel s'accrochait fortement à la vie. À l'étonnement général, il échappa au malaise ordinaire de l'enfance. Il ignora rougeole et coqueluche, oreillons et migraines. Il semblait cuirassé contre les microbes et à l'abri de toute contagion, et au dire d'un ancien, jamais clous ni boutons n'apparurent sur cette peau saine. Il battit tous les records scolaires en instruction comme en éducation physique, et il rossa tous les garçons de son âge et de sa taille dans l'île McGill. D'autres enfants vinrent à Marguerite. Son cinquième fut un garçon qu'elle appela Jacques. 3 filles suivirent en rapide succession, Alice, Sarah et Nora, puis un petit Timothée et encore 2 filles, Florence et Catherine. Cette dernière était la 12e et Marguerite Yenan, à 35 ans, se départit de ses prouesses. Elle avait bien rempli son devoir envers l'île McGill et la reine d'Angleterre. Il lui restait 9 enfants en bonne santé, tout allait bien, et la mort des 2 premiers semblait avoir apaisé la malchance. 9 enfants prospéraient, et l'un d'eux se nommait Samuel. Jacques choisit la carrière maritime, bien que ce fût moins une affaire de choix qu'une obligation. Dans l'île McGill, les aînés cultivaient la terre, les autres labouraient les vagues. Timothée suivait l'exemple de Jacques, et quand ce dernier reçut son premier commandement, celui d'un vapeur de cabotage de Cardiff, Timothée était second sur un grand navire à voile. Cependant, Samuel ne mordait guère à la terre. La vie de fermier ne lui disait pas grand-chose. Ses frères s'en allaient en mer, non par vocation, mais faute d'autres moyens de gagner leur pain. Et l'autre, qui n'avait pas besoin de partir, enviait leur sort quand au retour de lointain voyage, et assis près du feu dans la cuisine, il narrait les merveilles des pays d'outre-mer. Samuel s'adonna à l'étude, et au grand désappointement de son père, alla à Belfast passer des examens et conquérir des diplômes supplémentaires. Quand le vieux maître d'école prit sa retraite, Samuel le remplaça. En secret, cependant, il étudiait la navigation et Marguerite était charmée, lorsque, assise près du feu avec ses frères, et en dépit de leur brevet de second, il les embrouillait dans les détails théoriques de leur profession. Dominant seul fut profondément scandalisé lorsque Samuel, instituteur gentleman, héritier de la ferme Hénan, s'engagea sur un navire en qualité de matelot. Marguerite avait une confiance aveugle en l'étoile de son fils, et tout ce qu'il faisait lui paraissait judicieux. Conformément à la veine attachée à la glorieuse personnalité de Samuel, jamais on ne vit un matelot monter plus rapidement en grade. 2 ans à peine après son entrée dans le poste d'équipage, il passa derrière le mât en qualité de second stagiaire. Cela se passait dans un port fiévreux de la côte occidentale, et le comité de patrons qui l'examina sur la science de la navigation reconnut qu'il en savait plus long qu'ils n'en avaient oublié eux-mêmes. 2 ans après, il partait de Liverpool en qualité de second sur la Starry Grace, ayant en poche ses 2 brevets de second et de capitaine au long cours. Et alors se produisit l'événement dont la prévision faisait hocher la tête aux vieux insulaires. Il me fut raconté par Gavin McNab, quartier maître en ce temps-là à bord du Starry Grace et originaire lui-même de l'île McGill. « Je m'en souviens comme d'hier, » dit-il. Nous faisions route vers l'est et luttions contre le mauvais temps. Il n'eut jamais un meilleur marin que Samuel Hénan. Je me rappelle son expression ce matin-là, tandis qu'il regardait les grosses vagues qui nous arrivaient par l'arrière et observait la façon dont se comportait le navire. Le capitaine était en bas et passait ses journées à boire. À 7 heures, Hénan ramena le navire tête au vent, n'osant plus le faire courir vent arrière dans cette mer démontée. À 8 heures, après déjeuner, il descendit, et 1 demi-heure après, le capitaine monta, les yeux troubles, la démarche incertaine, et se cramponna à l'échelle. Ça bardait, je vous prie de croire, il restait là, clignant les yeux, hochant la tête et marmottant tout seul. « Ôte-toi de là !» dit-il enfin l'homme de barre. « Mon Dieu !» s'écria l'aide-second qui se tenait près de lui. Le capitaine ne le regarda même pas. Il continuait son soliloque. Et tout à coup, il se redressa et releva la tête en criant. « Mets la barre au-dessus, mon bonhomme, que le diable t'emporte. Es-tu sourd à ne pas entendre ?» Une vraie veine d'ivrogne. La Starry Grace vira devant une tempête de tous les diables sans embarquer une goutte d'eau, tandis que l'aide-second hurlait des ordres et que l'équipage se précipitait affolé. Sur quoi le capitaine hocha la tête avec satisfaction et redescendit faire son plein de whisky. Un véritable attentat contre notre vie à tous, ni plus ni moins, car ce n'était pas le moment, même pour le plus gros navire du monde, de courir vent arrière. Courir ! Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'était inimaginable, et pourtant, voilà 40 ans que je bourlingue sur les mers, en comptant mes années de mousse. C'était effrayant, je vous l'affirme. L'aide-second était pâle comme un mort. Il resta seul pendant 1 demi-heure, puis, n'y pouvant plus tenir, il descendit appeler Samuel et le 3e second. Un fameux marin que ce Samuel, mais c'en était trop pour lui. Il regarda et observa, examinant la situation sous toutes ses faces, sans y trouver d'issue. Il n'osait pas mettre en panne. Le navire aurait été balayé de tous ses hommes et agrès avant de se redresser. Il n'y avait rien à faire qu'à continuer de courir. Et si le temps empirait, nous étions perdus de toute façon, car tôt ou tard, cette mer démontée nous emporterait par-dessus la poupe. Vous ai-je parlé tout à l'heure d'une tempête de tous les diables ? C'était encore bien pire. Satan en personne devait mettre la main au bouillon. J'ai vu pas mal d'horreurs, mais je ne tiens pas à en revoir une pareille. Pas un homme de l'équipage n'osait se mettre dans son hamac. Non, pas un ne se tenait dans l'entrepont. Groupé sur le rouf, il regardait en se cramponnant. Les 3 seconds se tenaient sur le gaillard d'arrière avec les 2 timoniers, et le seul individu en bas était le capitaine qui ronflait, ivre mort. Et alors je la vis venir, à 1 mille de distance, dominant toutes les autres comme une île. la vague la plus grosse que j'ai jamais aperçue de ma vie. Les trois seconds, l'un à côté de l'autre, la regardaient, priant comme nous tous qu'elle ne se brisât pas au passage. Mais il devait en être autrement. À la dernière minute, au moment où elle se dressait comme une montagne, surplombant l'arrière et cachant le ciel, les trois officiers se dispersèrent, le second et le troisième se hâtant vers le mât d'Artimon pour y grimper, le premier courant au gouvernail pour y prêter main forte. C'était un homme brave, ce Samuel Hénan. Il se précipitait au-devant de cette mer de toutes les vagues, pensant non pas lui-même, mais au navire. Les deux timoniers étaient attachés à la roue, mais ils voulaient être prêts à les remplacer s'ils étaient tués. La vague arriva. Nous autres, sur le rouf, ne pouvions voir le gaillard derrière à cause des milliers de tonnes d'eau qui s'y déversèrent. Cette vague nettoya tout, emporta tout, les deux seconds en train de grimper dans les hauteurs d'Artimon, Samuel Hénan courant vers le gouvernail, les deux timoniers attachés à la barre et la barre elle-même. Nous ne devions plus revoir aucun d'eux, car le navire coiffa en l'absence de gouvernail, et deux hommes de l'équipage furent arrachés du rouf, sans parler du charpentier que nous ramassâmes à la coupée d'arrière les membres en marmelade. Et ici intervint le miracle, la merveilleuse preuve de l'esprit héroïque de cette femme. Marguerite Hénan comptait 47 ans lorsque lui parvint la nouvelle de la mort de Samuel. Et peu de temps après, l'incroyable rumeur se répandit dans l'île, je dis bien incroyable, car les habitants eux-mêmes refusaient d'y croire. Le docteur Hall s'en moqua, et tout le monde en fit des gorges chaudes. On attribua le commérage à Sarah Dack, domestique des Hénan, la seule qui demeure avec Marguerite et son mari. Sarah persista dans son affirmation et fut traitée de menteuse. Une ou deux personnes se risquèrent à questionner Tom Hénan lui-même, mais leur audace ne leur attira que jurons et reproches. La rumeur s'apaisa. L'attention générale étant maintenue, accaparée par le naufrage dans les mers de Chine, du Grenoble, dont les officiers et la moitié de l'équipage étaient nés et mariés dans l'île McGill. Cependant, la rumeur ne s'éteignit point. Sarah la colportait de moins en moins discrètement. Tom Hénan paraissait plus sombre que jamais, et le docteur Hall, après une visite à la maison Hénan, ne s'angoissait plus. De fait, ce fut un garçon et un merveilleux garçon. Le docteur Hall s'extasiait sur sa perfection physique et sa force considérable, et écrivit un mémoire pour signaler à la Société médicale de Dublin le cas le plus intéressant qu'il eût rencontré au cours de sa longue carrière. Quand Sarah révéla le poids prodigieux du bébé, toute l'île la traita encore une fois de menteuse. Mais lorsque le médecin jura l'avoir pesé lui-même, l'île se tint coite et accepta désormais tous les bavardages de Sarah au sujet de la croissance et de l'appétit de l'enfant. Et cette fois encore, Marguerite Hénan alla à Belfast et le fit baptiser sous le nom de Samuel. « Il valait son pesant d'or, » me dit Sarah. Sarah Dack, à l'époque où je la rencontrais, était une vieille fille de 60 ans, munie d'une provision d'expérience si tragique que ses dires auraient conservé tout leur intérêt pour ses commères alors même que sa langue eût marché pendant 10 ans sans discontinuer. « Il valait son pesant d'or, » déclarait Sarah Dack. « Jamais il ne s'agitait. Assis au soleil pendant des heures, il ne bougeait pas tant qu'il n'avait pas faim, et d'une force. Quand il vous serrait la main, on aurait dit un homme. Je m'en souviens. Quelques heures après sa naissance, il me serra si fort que je poussai un cri presque d'effroi. Avec cela, une santé merveilleuse. Il dormait et mangeait et grandissait sans jamais inspirer la moindre inquiétude. Jamais il ne fit perdre à personne une nuit de sommeil, ni même une minute, même quand ses dents perçaient. Marguerite le faisait sauter sur ses genoux et demandait si l'on avait jamais vu plus beau petit gars dans les trois royaumes. Il grandissait, à proportion de ce qu'il était. À un an, on lui en aurait donné deux. Il faisait bien des bruits de gargouille dans la gorge et rampait à quatre pattes, mais il fut lent à marcher et à parler. On pouvait s'y attendre au train où il poussait. Tout s'en allait en force et santé. Le vieux Tom Hénan lui-même se réjouissait de le voir si solide. Le médecin fut le premier à concevoir quelques soupçons. Je m'en souviens bien, et cependant j'étais loin de me douter de quoi il retournait. Je le voyais faire passer des objets devant les yeux de Samuel et produire des bruits forts ou doux, loin ou près des petites oreilles. Puis le médecin s'en allait, les sourcils froncés et secouant la tête comme si le gosse était malade. Mais j'aurais pu jurer le contraire, moi qui le voyais manger et grandir. Cependant le médecin ne disait rien à Marguerite, et ce n'était pas mon affaire de deviner ce qui l'inquiétait. Je me souviens encore du jour où le petit Samuel parla pour la première fois. Âgé de 2 ans alors, il possédait la taille d'un enfant de 5 ans, bien qu'il ne pût encore réussir à marcher. Il courait à quatre pattes, heureux et content, pourvu qu'on lui donnât à manger promptement et fréquemment, si fréquemment que c'en était extraordinaire. J'étais en train d'étendre du linge à sécher, quand le voilà qui s'amène, balançant sa grosse tête à droite et à gauche et clignant des yeux au soleil. Et tout à coup il parla. J'en fus tellement saisi que je faillis mourir de frayeur, et je compris tout de suite. Les hochements de tête du docteur Hall. Parlez. Jamais gosse de l'île McGill ne parla si fort et de façon si déterminée. Il n'y avait pas à s'y tromper. J'en demeurais toute tremblante. Le petit Samuel braillait. Je vous le déclare, monsieur. Il se mit à braire comme un âne, tout pareil, si fort, si longtemps et si joyeusement que je craignais qu'il ne se rompît les poumons. Il était idiot, monstrueusement idiot. Après cela, le médecin révéla tout à Marguerite, mais elle ne voulut point le croire. Elle était d'avis qu'il se remettrait, qu'il grandissait trop pour faire autre chose. « Prenez patience, disait-elle, et nous verrons. » Mais le vieux Tom Ménon savait à quoi s'en tenir, et à dater de ce jour, il ne releva plus jamais la tête. Je m'en souviens bien. Il avait alors 4 ans, et la taille d'un enfant de 10 ans. Le vieux Tom allait de mal en pis. Il marmottait et causait tout seul en labourant ses champs. Le matin du jour en question, il était assis sur un banc en dehors de la cuisine, en train de remmancher une hache. Sans qu'il s'en aperçût, l'idiot se glissa vers la porte et salua le soleil à sa façon habituelle. Je vois encore le vieux tressaillir et se retourner. L'idiot était là, dodelinant de la tête, clignant des yeux au soleil et braillant comme un âne. C'en était trop pour Tom. Quelque chose se brisa dans sa cervelle. Il se leva d'un bond et asséna un coup de manche de hache sur la tête de l'être monstrueux. Puis il le frappa à coups redoublés comme s'il avait affaire à un chien enragé qui lui faisait peur. Ensuite il gagnait l'écurie et se pendit à une poutre. Après quoi, ne voulant plus rester dans cette maison, j'allais demeurer chez ma sœur qui avait épousé John Martin et vivait à l'aise. Assis sur le banc près de la porte de la cuisine, je regardais Marguerite Hénan enfoncer de son pouce calleux le tabac dans sa pipe et promener ses regards sur les champs assombris par le crépuscule. J'occupais la place où Tom Ménon était assis en cette journée tragique qui fut la dernière de sa vie. Marguerite était accroupie sur le seuil même de cette porte où le monstre, clignant des yeux et balançant la tête, était venu si souvent braire au soleil. Nous causions depuis 1 heure, elle avec cette certitude d'éternité qui convenait si bien à sa lenteur, moi, incapable de mettre le doigt sur les mobiles de son étrange personnalité. Martyre de la vérité, adorait-elle cette divinité si abstraite? La considérait-elle comme le but suprême des efforts humains, dès ce jour lointain où elle donnait à son premier-né le prénom de Samuel? Ou bien possédait-elle l'obstination du bœuf, l'entêtement de la mule et l'opiniâtreté du paysan? Était-ce une lubie de folle, seul trait de fantaisie de ce caractère éminemment rationnel? Ou au contraire, possédait-elle l'esprit d'un Bruno? Convaincue de la droiture de son attitude intellectuelle, soutenait-elle contre la superstition une opposition ferme et lucide? Ou bien encore, au fin fond de sa mentalité, était-elle dominée par quelque superstition plus vaste et plus profonde? Par une adoration fétichiste dont l'alpha et l'oméga se résumaient en ce terme magique de Samuel? Viendrez-vous me dire, demanda-t-elle, que si le second Samuel avait reçu le prénom de Laurent, il ne se serait pas noyé dans l'eau bouillante? Entre nous, monsieur, et vous avez l'air intelligent. Est-ce qu'une différence de nom y pouvait quelque chose? Est-ce que la lessive n'aurait pas eu lieu ce jour-là si l'enfant s'était appelé Michel? Cela aurait-il empêché l'eau d'être bouillante ou l'eau bouillante de brûler le pauvre enfant? Mais pourquoi ce nom de Samuel? Demandai-je. Cela, je n'en sais rien. C'était mon désir. Mais pourquoi était-ce votre désir? Comment voulez-vous que je réponde à semblable question? Qui peut dire le pourquoi de choses pareilles? Mon Jacques raffolait du lait de beurre. Il en buvait, comme il disait, jusqu'à noyer ses dents de derrière, tandis que mon Timothée ne pouvait pas le sentir. J'aime à écouter les grondements, roulements et tout le tintamarre du tonnerre. Ma fille Catherine ne peut pas en supporter le bruit, mais se sauve en criant pour s'enfuir la tête sous un édredon. Je n'ai jamais entendu répondre au pourquoi des choses. Dieu seul pourrait le dire. Vous et moi, qui sommes mortels, ne le pouvons pas. Il nous suffit de savoir ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. J'aime. Voilà le premier et le dernier mot du langage. Et derrière ce j'aime, nul être humain ne peut deviner le pourquoi. J'aime le nom de Samuel et je l'aime bien. C'est un doux nom, contenant une harmonie merveilleuse. Le crépuscule s'approfondissait et je regardais en silence le dôme splendide de ce front que l'âge ne parvenait pas à déformer. C'était garde des yeux et ses yeux eux-mêmes, clairs, vigilants et voyant large. Elle se leva comme pour me congédier en disant « Vous n'y verrez pas clair pour rentrer chez vous, et je crois bien sentir de l'eau dans l'air. » « Éprouvez-vous des regrets, Marguerite Hénan ?» demandai-je brusquement et sans préméditation. Elle m'observa un moment. « Oui, je regrette de ne pas avoir mis un autre fils au monde. »« Et vous l'auriez ?» balbutiai-je. « Oh, certainement » répondit-elle. « Je lui aurais donné le nom de Samuel. » Jack London.